Sert à rien de s'énerver, faut pas laisser tout, faut pas laisser tout, faut pas chasser les épouses. 20 ans que j'rappe, j'suis pas tout dit, j'en ai vu des outils. Bien, on s'embrouille pas pour des broutilles, encore moins pour un poutchit. J'ai le bras long comme Luffy, j'vais pas tuer mon pote comme Puffy. J'fume trop, j'crois j'vais ouvrir un coffee. J'pèse dans le game même si j'pas le profil. J'fais la course dans les ruelles avec un 900 généré. Parle pas, j'connais rien. Tu veux déguste, il faut les ronds. Le soir tard, les folies rôdent. Tu veux être pensé qu'il faut un peu pompe, pas un rôde. J'suis pas un raté, pas un robot, pas un rateur. Dans ma tête, poteau, j'suis pas un rappeur. J'suis pas un radin, pas un raciste, pas un hassard. Tous des classiques qui viennent tout droit de la NASA. Tu passes ça, va du bus, t'as pas de sous. Tu veux rouler en classe A, classe A, classe A, classe A, classe A, classe A. Mon sang, moi j'prends pas de C, pas de ça. J'ai maigri, j'fais pas de sale, pas de sale. J'suis malade, j'fais pas de taille, pas de sol. J'suis malade, j'fais pas de chaud, pas de scène. Pour un flanc, ça fait des actions, des actions. J'arrive, ça fait. C'est l'ovni, la cause on make a mec avec les homies. J'ferai jamais le mec, t'inquiète, compromis. La machine doit se démarquer des copies. Ah, la vida, star peinture. Faut s'accrocher, faut serrer la ceinture. J'vais prendre ma mine, j'partir à l'aventure. À deux postiches, en super aventure. Tu m'en veux, tu sais pas qui j'suis. J't'envoie deux fous, j'suis pas Jackie Chan. Fais-moi une potion, j'veux pas quicher. Quand les vies restent frais, gros, y'a rien qui change. Et à chaque fois, gros, j'perds ma beu. J'cherche mon briquet, il est sur mes couilles. Et à chaque fois, gros, j'perds ma beu. J'cherche mon briquet, il est sur mes couilles. Arrête de me dire que tu es un bon. Tu dis que je suis un bizarre, le dos tourné. Si c'était à refaire, j'aurais tout refait. J'aurais évité tous les bourbiers. Le tuber, il va se faire péter. Bon sens, tu restes immobile. Chaise pliante, veste millée. Ça y est, il a fait son coffrage à 10 000 lieues. D'épée ou Lacoste, on fait le signe sur la pose. Je viens de là où les anciens farcissaient les blinks ou les caisses de la poste. Mon succès, j'en suis la cause. Là, c'est la chère bête qui m'apaise. Au feu rouge de la rose, sur une roue, je suis à l'aise, hein. Bandit de baleine, que je fume, j'ai les canines. Bandit de baleine, j'aime quand elle est câline.